franceinter.fr. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Le Mossad a-t-il été piégé ? Difficile de ne pas se poser la question en ouvrant le dossier de ce que d'aucuns ont appelé le Dubai Gate, c'est-à-dire le fiasco, au moins médiatique, d'une opération du Mossad dans le petit émirat de Dubaï, alors que les agents israéliens sont censés être des as dans leur domaine. Une première réflexion d'abord. En matière de renseignement et d'action clandestine, le public n'a généralement connaissance que de la partie émergée de l'iceberg. Succès spectaculaire, mais bien plus souvent échec ou bavure. Et il ignore le quotidien de l'activité des services secrets. Deuxième réflexion. À Dubaï, les agents israéliens ont mené à bien leur mission, l'élimination d'un membre important du Hamas. Et aucun d'entre eux n'a été arrêté. Le scandale est né ensuite, bien des jours plus tard, lorsque la police de l'Émirat, en se servant en particulier d'images filmées par d'innombrables caméras, a reconstitué avec précision l'action et le parcours des agents secrets et a donc pu accuser le Mossad d'avoir perpétré cet assassinat. Troisième réflexion. Des États occidentaux se sont offusqués de constater que les hommes du Mossad avaient utilisé de faux, vrais passeports en empruntant l'identité réelle de certains de leurs citoyens. Mais à aucun moment, ils n'ont condamné l'action criminelle du service israélien. Et puis, autre interrogation, pourquoi le Mossad a-t-il envoyé à Dubaï 27 agents pour assassiner un seul homme, alors que d'habitude, ces commandos de tueurs ne comptent que quelques individus? Enfin, si en Israël même, des journaux ont accusé le Mossad d'avoir en l'occurrence fait preuve d'amateurisme, était-ce justifié? Monsieur X a sa petite idée sur ce point et les autres aspects obscurs de cette affaire. Prenons les choses dans l'ordre et voyons d'abord qui était le personnage principal de cette affaire, c'est-à-dire la victime. Un certain Al-Mabou. Ouais. Mahmoud Al-Mabou, oui. Ce Palestinien, âgé d'une cinquantaine d'années, occupait une fonction clé dans l'organigramme du mouvement Hamas. Ouais, le Hamas qui a pris le pouvoir à Gaza. Et qui est l'un des meilleurs ennemis d'Israël, puisqu'il s'agit de l'organisation palestinienne la plus radicale, qui régulièrement envoie des roquettes sur les localités voisines de Gaza. Mais il faut se rappeler que la création du Hamas a été discrètement encouragé par l'État hébreu, qui voyait là une façon de concurrencer l'OLP de Yasser Arafat. Oui, ça s'est ensuite retourné contre Israël. Ah, ce sont les aléas de la guerre secrète. Alors, Al-Mabou, né à Gaza, il a d'abord contribué à fonder les brigades Ezzedine Al-Qassam, le bras armé du Hamas. Et l'une de ses premières actions aurait constitué à enlever, puis assassiner, deux soldats israéliens. Il aurait ensuite fui en Égypte, puis en Syrie, où il aurait rencontré Khaled Messal, le chef actuel du Hamas qui vivait en exil. Mmh. Rappelez-moi, là, Hamas, ça veut dire quoi ? C'est un acronyme pour Mouvement de Résistance Islamique. Assez rapidement, Al-Mabou est chargé de l'approvisionnement en armes de l'organisation. Des armes qui sont essentiellement d'origine iranienne. Oui, Al-Mabou noue donc des liens très étroits avec l'Iran. Et il met en place une filière à partir du port de Bandar Abbas, au sud de l'Iran. Les armes sont ensuite convoyées au Soudan, puis elles passent en Égypte, dans le désert du Sinaï. Et elles rejoignent Gaza par les tunnels clandestins creusés sous la frontière. Et il ne s'agit pas seulement d'armes légères. Al-Mabou a ainsi réussi à équiper les miliciens du Hamas de missiles performants, des fusées capables d'atteindre Tel Aviv. Et que peuvent les Israéliens là, pour contrer ces approvisionnements ? Ils arrivent parfois à raisonner un navire. Leur aviation a même bombardé un convoi de camions au Soudan. Mais ils n'ont pas réussi à sécher la filière. En tout cas, Al-Mabou, la maître d'œuvre de cette structure, là, devait donc être une cible prioritaire pour les Israéliens. Ah ben, naturellement. Et le Palestinien n'ignorait rien des menaces qui pesaient sur lui. À Damas, où il résidait habituellement, il était protégé. Et quand il se déplaçait, il était accompagné de gardes du corps. Or, premier sujet d'étonnement. Le 19 janvier 2010, lorsqu'il prend l'avion pour se rendre à Dubaï, il est seul. Vous avez une explication ? Pas vraiment. On a prétendu que l'avion dans lequel il a embarqué à Damas était complet. Alors, impossible d'y faire monter ses gardes du corps. Il aurait pu remettre son voyage. Hein. Certes, à moins qu'il ait eu une raison urgente de faire ce déplacement. Alors ben justement, que venait-il faire à Dubaï ? Il aurait eu un rendez-vous avec un banquier ou un marchand d'armes. Iranien ? C'est probable. Est-ce qu'il aurait pu tomber dans un guet-apens ? Pourquoi pas ? Les Israéliens disposaient sans doute de taupes au sein du Hamas. On a même prétendu qu'ils avaient réussi à introduire un cheval de Troie dans l'ordinateur personnel de Al-Mabou. Oui, il pouvait donc lire à livre ouvert ses courriers électroniques. Et connaître par exemple son carnet de rendez-vous et le détail de ses déplacements, oui. Mais désolé, je n'en sais pas plus. Quoi qu'il en soit, il semble bien que le Mossad suivait pas à pas le Palestinien. J'en veux pour preuve qu'Al-Mabou avait déjà été victime d'une tentative d'assassinat. Et encore une fois à Dubaï. Ah ben racontez, hein. En 2009, le Mossad aurait essayé de l'empoisonner, peut-être en enduisant de poison une poignée de porte de sa chambre ou encore un bouton électrique. Et résultat, alors ? Al-Mabou aurait été malade, mais il s'en serait sorti. Y a-t-il soupçonné qu'il s'agissait là d'une tentative d'assassinat ? Sans doute pas, mais je ne veux pas en dire plus. Bon, il a été malade, donc. Autre chose, alors, pourquoi un rendez-vous à Dubaï, précisément ? Oh, c'est très simple. Regardez une carte. L'Iran se trouve sur la rive opposée du golfe arabo-persique. Et depuis longtemps maintenant, le petit émirat est devenu un lieu stratégique pour le pays des ayatollahs. Surtout depuis les mesures d'embargo prises par les puissances occidentales. Ouais, Dubaï leur permet donc aux Iraniens de contourner ces mesures. Bien évidemment. Ouais. Pour l'Iran, c'est une sorte de fenêtre ouverte sur l'extérieur. Des dizaines de compagnies maritimes, des centaines de sociétés commerciales iraniennes sont basées à Dubaï où y ont ouvert des succursales. Et ça permet tous les trafics. Par ailleurs, les dirigeants iraniens confient souvent leur fortune à des banques de l'Iran. Alors Dubaï, c'est le paradis fiscal pour ces Iraniens ? Paradoxalement, les Américains aussi sont très présents à Dubaï. Le département d'État y a ouvert l'un de ses plus grands bureaux à l'étranger. Il y a donc là-bas de nombreux fonctionnaires états-uniens, douaniers, agents du fisc et bien sûr membres de la CIA. Et certains spécialistes n'hésitent pas à dire que Dubaï est aujourd'hui ce qu'étaient Vienne et Berlin au temps de la guerre froide. Un nid d'espions. Bah, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Cette proximité géographique entre Iraniens et Américains au sein de ce petit territoire doit aussi permettre quelques contacts discrets, non? Bah forcément, c'est d'autant plus important que les États-Unis et l'Iran n'entretiennent plus de relations diplomatiques. Alors revenons à Mahmoud Al-Mabou. Il arrive donc à Dubaï le 19 janvier et il est attendu. Mais par des agents israéliens? Effectivement. Et le Mossad, si j'ose dire, a mis le paquet. 27 agents, 26 hommes et une femme ont été mobilisés. Ils sont arrivés à Dubaï un peu plus tôt, séparément ou parfois deux par deux et venant de destinations différentes. Et ils se sont répartis dans plusieurs hôtels où ils ont payé d'avance leur chambre avec une carte de crédit. Je reviendrai sur ce détail qui a son importance. Et j'imagine qu'ils disposent tous de faux documents d'identité. Bah évidemment, il y a une section spéciale du Mossad qui fabrique ces faux passeports selon une technique assez astucieuse. Des vrais documents appartenant à des touristes sont scannés. À l'occasion d'une visite en Israël, par exemple. Ouais. Et puis on confectionne les faux passeports à partir de ces vrais papiers. Qui correspondent donc à des personnes existant réellement. Et ça permet de berner les services de police trop soupçonneux au passage des frontières. Oui, mais en cas de pépin, là, ça risque aussi de mettre dans l'embarras les réels détenteurs de ces documents. Et autant le dire tout de suite, ça provoquera la fureur des États dont sont originaires ces citoyens. Mais n'allons pas trop vite. Bien entendu. 27 agents pour éliminer un seul homme, là, ça me paraît extravagant, non? Effectivement. Et ça prouve que le Mossad voulait mettre toutes ses chances de son côté et ne pas reproduire l'échec de l'année précédente. Mais on peut aussi penser à la difficulté de la tâche qu'ils allaient accomplir. À Dubaï même, si les Israéliens n'étaient pas considérés comme des ennemis, les agents allaient opérer dans un environnement hostile. Et un territoire arabe. Ben. Oui, ou en cas de pépin, ils ne pourraient compter que sur eux-mêmes. Et pas d'ambassade israélienne à Dubaï. Et donc pas d'endroit sûr où se réfugier. Et pas non plus de service ami qui aurait pu donner un coup de main. Un mot peut-être sur ces membres du Mossad là. Tout de suite, oui. Mais il me faut auparavant vous parler de l'homme qui est à l'origine de l'opération. Le chef du Mossad. Maher Dagan. C'est un dur à cuire, un militaire au caractère bien tranché qui, en 2002, a été nommé à ce poste par son ami Ariel Sharon, le premier ministre de l'époque. Qui n'avait pas non plus la réputation d'être un tendre. À ce propos, je peux vous citer un mot de Sharon expliquant pourquoi il avait choisi Dagan. Le savoir-faire unique de Maher réside dans sa capacité à séparer la tête du corps d'un arabe. Ouais, charmant. C'est donc un type partisan des méthodes expéditives. Et il paraît que le Mossad, dont le moral avait flanché au cours des années 90, avait besoin d'un tel patron pour se ressaisir. Immédiatement, Maher Dagan fixe les axes qui doivent orienter l'action du service. Une lutte tous azimuts pour contrer les activités nucléaires de l'Iran et, simultanément, le combat contre les mouvements terroristes du Hamas palestinien et du Hezbollah libanais. Et il faut bien reconnaître que de son point de vue, en tout cas, Dagan va engranger les succès. Oui. Lesquels? Il faut mettre au crédit de Dagan les multiples sabotages visant à retarder le programme nucléaire iranien. Crash d'avions, incendies de laboratoires, assassinats de savants. Et peut-être aussi alors la création et la diffusion de ce fameux virus informatique Stuxnet qui a paralysé le réseau des centrifugeuses iraniennes. Hein. Sans doute, en collaboration avec des services états-uniens. En Syrie, l'assassinat du responsable militaire du Hezbollah, Imad Mughnieh, a vraisemblablement été ordonné par Dagan. De même qu'il a dû être à l'initiative du bombardement d'un site nucléaire secret syrien. Ouais, en 2007, hein, une opération audacieuse de l'aviation israélienne. Et tous ces faits d'armes lui ont par conséquent valu d'obtenir la confiance sans réserve du gouvernement. Justement, là, dans l'affaire qui nous occupe aujourd'hui, là, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a-t-il donné son feu vert à Dagan? En Israël, toutes les opérations homo, comme on dit dans les services, font l'objet d'une autorisation écrite du Premier ministre. Donc Netanyahou peut être considéré comme le premier responsable? C'est évident, mais bien sûr, il ne le reconnaîtra jamais. Dans le dernier numéro de la revue Feuilleton figure un long article du spécialiste israélien du renseignement Ronen Bergman. Ce journaliste consacre un long paragraphe au patron du Mossad, connu pour ses méthodes de gestion agressive et pour la rudesse de son langage. Dagan est un homme à l'idéologie rigide qui, selon plusieurs membres de l'organisation, montre la porte à quiconque s'aventure à émettre une opinion différente de la sienne. Comme me l'a confié un vétéran du Mossad, il est extrêmement difficile de faire entendre son opinion en sa présence, à moins qu'elle aille dans son sens. Il est incapable de supporter la critique ou même un avis différent du sien. Quiconque ne va pas dans son sens semble presque être considéré comme son ennemi. Alors, précédemment, vous me demandiez qui étaient ces agents qui allaient agir à Dubaï. Dagan les a choisis dans une unité d'élite du Mossad, la division Césarée, une structure autonome et ultra-secrète qui a très peu de rapport avec les autres départements du Mossad. Et des hommes surentraînés, j'imagine. Et qui sont aptes à utiliser en particulier toutes les méthodes, même les plus sophistiquées, pour éliminer un adversaire. On a beaucoup glosé sur l'excellence, entre guillemets, de ces tueurs du Mossad. Là. Mais il leur est arrivé aussi de commettre des erreurs ou des bavures. Et la première, la plus connue en tout cas, s'est produite en 1973 à Lillehammer, en Norvège. Nous en avons parlé autrefois. Ouais, c'est une terrible méprise. Oui, oui, les agents israéliens ont abattu par erreur un brave serveur marocain qu'ils avaient pris pour Salamé, le prince rouge, comme on l'appelait, qui était un dirigeant de Septembre Noir. Ouais, et catastrophe, quelques membres de l'équipe avaient été arrêtés par la police. Et ils ont été condamnés. Mais plus près de nous, en 1997, nouvelle bavure, en Jordanie. À la fin du mois de septembre, ce Khaled Mehaï, dont je vous ai dit qu'il était aujourd'hui le chef du Hamas, est attaqué par deux individus. Une curieuse attaque. L'un des hommes lui injecte du poison dans l'oreille gauche. Ouais, mais Méchal en réchappe. Oui, oui, il est dans un sale état, mais il vit encore. Et il donne suffisamment de détails à la police pour qu'elle arrête ses agresseurs. Porteurs de faux passeports canadiens, ceux-ci finissent par avouer qu'ils sont des agents du Mossad. Ouais, et l'affaire fait scandale. Les Jordaniens, mais aussi les Canadiens, sont furieux. Et c'est déjà Benjamin Netanyahou, qui occupait pour la première fois le fauteuil de Premier ministre israélien, qui a dû assumer personnellement ce cuisant échec. Suprême humiliation, sous la pression des États-Unis, il a envoyé en Jordanie un antidote afin d'annuler les effets du poison et de sauver ainsi Khaled Messal. Mais pour apaiser la colère des Jordaniens, il a été aussi obligé de faire libérer le chef emblématique du Hamas, le vieux cheikh Yassine. Ouais, nouvelle humiliation. Pour clore ce chapitre des bavures, je vous signale qu'en 2004, deux agents israéliens se sont fait pincer en Nouvelle-Zélande. Et pour quelle raison hein ? Bon, ils ont été pris la main dans le sac en train d'acheter des passeports. Ouais. Donc, pour résumer, le Mossad n'était pas infaillible. Bah, c'est bien ce que je voulais vous dire. Alors, après cette longue parenthèse, retournons à Dubaï. Mahmoud Al-Mabou débarque dans l'Émirat en début d'après-midi, ce 19 janvier. Précision, lui aussi a voyagé sous un nom d'emprunt avec de faux papiers. Citoyen palestinien, il est censé être commerçant. Arrivé, il doit être aussitôt suivi par les agents du Mossad. C'est assez simple, car le Palestinien se rend directement dans un hôtel de luxe où il a ses habitudes, le Al Bustan Rotana. Et ça explique aussi pourquoi l'équipe israélienne est si nombreuse. Al Mabou, qui se rend très souvent à Dubaï, change parfois d'hôtel. Et des agents du commando Césarée ont été déployés dans tous ces établissements. Ah oui, au cas où. C'est ça. Ouais. Tous ces agents là, disposaient-ils d'un QG ? Oui, oui, un point de ralliement central, le hall d'un grand hôtel, où d'ailleurs aucun d'entre eux ne séjournait. Alors, je poursuis mon récit. Un récit, je précise, qui est étayé par les bandes vidéo des caméras qui ont filmé les allées et venues des protagonistes. Vers 15h30, Al-Mabou entre dans son hôtel et demande une chambre. Est-ce qu'il a une appréhension ? Est-ce qu'il se méfie ? Selon certaines sources, oui. Et le fait d'être, pour une fois sans garde du corps, pouvait légitimer cette inquiétude, si c'était vrai. En tout cas, dans le hall, il n'a pas remarqué la présence de deux sportifs portant casquettes et shorts, et chacun équipé d'une raquette de tennis. Et d'ailleurs, pourquoi les aurait-il remarqués ? Ces tennismen ont l'air parfaitement inoffensifs. Il ne s'étonne même pas quand ces deux hommes se lèvent au moment où ils se dirigent vers l'ascenseur, tout en bavardant. Ils montent en même temps que lui dans la cabine. Ça, c'est peut-être plus inquiétant, non ? Eh bien non. Sur les images que la police visionnera plus tard, Al-Mabou ne donne pas l'impression d'être aux abois. Il descend donc tranquillement au deuxième étage. Les deux tennismen aussi, mais ils se séparent. Et l'un des deux suit des yeux le Palestinien dans le couloir. Ah ouais, il veut savoir dans quelle chambre ce Mabou va entrer. Naturellement, c'est le but. Aussitôt, lorsqu'il a vu que Al-Mabou avait pénétré dans la chambre 230, il téléphone au point de ralliement et donne l'information à ses collègues. L'un d'eux téléphone à son tour à l'hôtel Al-Bustan Rotana et réserve immédiatement une chambre au deuxième étage. La 237, plus précisément, parce que le faux tennisman a repéré qu'elle se trouvait en face de la 230. Et cette communication téléphonique-là est décryptée, j'imagine ? Non, mais elle passait par un numéro autrichien. Ah oui, qui servait de relais, là ? Ou de centrale téléphonique, si vous voulez. Mais plus tard, ces nombreux coups de fil passés en Autriche, dans un délai aussi court, ne manqueront pas d'étonner. Mais j'y reviendrai. Alors, la suite, hein. Al-Mabou ne reste pas très longtemps dans sa chambre. Ah oui, son rendez-vous. Et le but de son voyage. Le Palestinien sort donc de l'hôtel. Il est certainement suivi, mais de loin, au cas improbable où il changerait d'avis et rebrousserait chemin. Car les Israéliens savent exactement où il va. Et surtout, ils sont désormais sûrs de disposer d'un large laps de temps pour préparer leur piège. Alors comment procède-t-il ? Dès qu'Al-Mabou s'est éloigné, un type du Mossad pénètre dans le hall où se trouvent nos deux tennismen, qui, après avoir repéré la chambre de Al-Mabou, sont redescendus et poursuivent une interminable conversation. Mais n'est-ce pas un peu bizarre là, de voir ces deux pseudo-sportifs stationnés ainsi dans le hall de l'hôtel hein. Oui, je suis d'accord, mais enfin, ils respectent au pied de la lettre le scénario qui a été élaboré en Israël. En fin d'après-midi, ils finiront quand même par être remplacés par une autre équipe de surveillance moins voyante. Deux touristes, d'allure britannique. Alors je reprends. Bientôt, un homme, une valise à la main, entre dans l'hôtel. Il dépose son bagage au pied d'un autre individu assis dans le hall. Puis il va au comptoir, demande la clé de la chambre qu'il a réservée un peu plus tard. Ah oui, la chambre 237 donc. Il s'enregistre et récupère donc cette clé électronique. Et quelques instants plus tard, il la donne discrètement à l'homme près duquel il a posé sa valise. Puis il disparaît. Son rôle est terminé. Il peut filer vers l'aéroport. Les vrais acteurs peuvent entrer en scène. Et combien sont-ils, là ? Au moins 7, dont la seule femme du commando. Mais il faut aussi compter sur les deux sportifs qui assurent la surveillance dans le hall. L'homme à la valise monte au deuxième étage. Deux par deux, les autres le rejoignent. Certains portent des perruques ou des casquettes de baseball pour dissimuler plus ou moins leur visage. Ils ont des sacs à la main. Leur matériel ? Ils sont donc tous rassemblés dans la chambre 237. Le plus délicat commence. Il faut ouvrir la porte de la chambre 230. Celle d'Al-Mabou ? Oui, afin que les tueurs puissent y pénétrer. Et le procédé utilisé est très ingénieux. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Les guerres secrètes du Mossad, tel est le titre d'un ouvrage d'Yvonique de Noël paru aux éditions Nouveau Monde. L'auteur donne de nombreux détails sur l'opération de Dubaï et il revient sur le parcours de Mahmoud Al-Mabou. Al-Mabou figurait sur la liste rouge des ennemis d'Israël à assassiner depuis 1989. À cette date, alors chef de l'unité 101 du Hamas, il avait assassiné avec un complice deux soldats israéliens dans le désert du Negev. Il s'était même vanté de cet exploit lors d'une interview à la chaîne Al Jazeera en 2009. Même si son visage avait été brouillé, la voix était suffisamment reconnaissable pour les équipes du Mossad. Mais ce n'était pas pour exercer une vengeance tardive qu'Al-Mabou était ce jour de janvier 2010 la cible du Mossad. Dans les années 90, Al-Mabou était devenu l'armurier du Hamas, son principal pourvoyeur en matériel offensif. Il collectait des fonds en Iran ainsi que des dons de riches arabes du Golfe, puis négociait au marché noir l'achat de roquettes et bientôt de missiles longue portée. En 2008, il se trouvait dans un convoi sur une route soudanaise quand un drone israélien surgit et prit pour cible les camions remplis de roquettes iraniennes. Al-Mabou s'en tira miraculeusement, mais il savait à quoi s'en tenir. Alors, comment ouvrir la porte de la chambre de Mahmoud Al-Mabou ? Comme dans tous les hôtels modernes, la serrure est électronique. Oui, on ouvre avec une carte. Aussi, les techniciens du Mossad avaient-ils préparé un petit boîtier qui présentait devant la serrure, reprogrammait le système électronique et permettait l'ouverture avec une autre carte, sans toutefois empêcher le locataire de la chambre d'utiliser sa propre clé. Oui, qui n'était donc pas désactivée. C'est ça. Ouais. La mise au point de cet appareil sophistiqué impliquait que des agents israéliens avaient préalablement visité plusieurs hôtels de Dubaï. Oui, afin de tester leur matériel et l'adapter. Ouais. Oui, et donc l'opération Dubaï n'avait pas été improvisée, mais avait été longuement préparée. Ce qui, je vous le dis tout de suite, est en contradiction avec les soupçons d'amateurisme qui ont pesé ensuite sur le Mossad. Mais je poursuis. Les tueurs peuvent maintenant pénétrer comme ils le veulent dans la chambre 230. Toutefois, pour ne pas risquer d'être surpris par une femme de chambre, ils sont entrés assez tardivement, vers 20h. Parce qu'ils savaient à peu près à quel moment Al-Mabou serait de retour. Donc, allez, les assassins entrent. Et ils attendent leur victime. Ils sont bien sûr prévenus de son arrivée par l'équipe de surveillance du hall et par d'autres agents qui patrouillent discrètement dans le couloir. Al-Mabou ne se méfie pas, là ? Apparemment, non. Et il ouvre la porte avec sa carte qui fonctionne parfaitement. Ce qui se passe ensuite, nous ne pouvons que l'imaginer, car évidemment, il n'y a pas de caméra à l'intérieur de la chambre. Et les seuls éléments d'information qui permettent de reconstituer l'assassinat sont fournis par l'autopsie qui a été pratiquée. Assez tardivement, d'ailleurs. Car dans les jours qui ont suivi la mort de Al-Mabou, les autorités de Dubaï n'avaient aucune raison de trouver sa mort suspecte. Qui a découvert le corps ? Une femme de chambre, le lendemain à la mi-journée. Le Palestinien était allongé sur son lit et semblait dormir. Ouais. Alors évidemment, on a pensé à une mort naturelle. Évidemment. Ouais. D'autant que la police de Dubaï ne savait pas que le brave commerçant palestinien qui avait pris une chambre à l'hôtel Al-Bustan Rotana était en réalité l'un des personnages importants du Hamas. Et c'est justement le Hamas, inquiet de ne plus avoir de nouvelles de son spécialiste en armement, qui alertera les autorités de l'Émirat. Mais une semaine se sera écoulée. Parenthèse. La police prendra assez mal, ou feindra de le prendre assez mal, le fait qu'Al-Mabou se soit introduit sur son territoire avec de faux papiers. Ça me semble très hypocrite, hein, parce que si Dubaï est vraiment le nid d'espions que vous avez décrit. Alors, l'autopsie, les résultats tels qu'ils ont été dévoilés par la police dubaïote paraissent assez confus. Je résume. Les médecins légistes évoquent l'injection d'un poison qui aurait provoqué une très rapide paralysie des muscles de la victime. Puis Al-Mabou aurait été étouffé sous un oreiller. Asphyxié, enfin. On a même parlé de quelques contusions sur le visage. Le Palestinien se serait débattu ? C'est possible. Et pourtant, tout ça ne colle pas avec la pratique des agents israéliens. Pour quelle raison ? L'objectif, surtout quand ça se passe dans un environnement a priori hostile, c'est de faire croire à une mort naturelle. Oui, parce que ça permet aux tueurs de quitter le pays en toute sécurité. Et dans le cas qui nous occupe, tous les membres du commando se sont envolés moins de 4 heures après l'assassinat, sans être inquiétés. Le Mossad, mais aussi d'autres services secrets dans le monde, disposent de poisons qui ne laissent pas de traces. Or, dans le cas de Al-Mamou, non seulement les médecins légistes ont retrouvé des preuves physiques de l'empoisonnement, mais les assassins ont été obligés d'étouffer leurs victimes pour achever leur sinistre besogne. Ouais, comme si le poison n'avait pas été assez efficace. Et j'avoue que je ne comprends pas. À moins que... Ah, que voulez-vous dire, là ? C'est une idée un peu folle, mais je vous l'exposerai un peu plus tard. Ouais, vous aimez bien ménager vos effets. Ah, hein. Vous commencez à me connaître, non ? Alertée par le Hamas, la police commence donc son enquête. Le Hamas qui, bien sûr, dès qu'il a confirmation de la mort de son militant, accuse le Mossad d'être responsable de sa disparition. Oui, sans grand risque de se tromper. Forcément. Le chef de la police dubaïote, le lieutenant général Tamim, prend sa tâche à cœur et il va réaliser des prouesses. Expliquez-moi. Bah, d'abord, il demande à ses services de collecter les bandes vidéo de toutes les caméras de surveillance. Et le petit émirat en est truffé. Ouais, bien sûr, c'est la journée du 19 janvier qui l'intéresse. Et c'est ainsi qu'il va minutieusement reconstituer le parcours des hommes du commando. Mais aussi celui de leurs victimes. Un vrai travail de fourmi. Oui, mais je me souviens qu'il en a fait un film qu'il montrera à la presse. Hein. Et c'est parfois involontairement comique. On voit par exemple l'un de ses agents entrer dans les toilettes d'un hôtel. Quand il ressort, ce chauve porte une perruque. La femme du commando, elle aussi, toujours dans les toilettes de cet hôtel, modifiera son apparence. Avec une perruque, je crois. Est-ce que ça signifie que ces gens du Mossad là, ignoraient que Dubaï était équipé de nombreuses caméras? Bon, en tout cas, ça y ressemble. Nos deux tennismen, par exemple, sont longuement filmés dans le hall de l'hôtel. Puis on les voit entrer dans la cabine de l'ascenseur avec Al-Mabou avant de les retrouver dans le couloir du deuxième étage. Et je vous l'ai dit, seule la scène de l'assassinat manque au spectacle. Ouais. Mais ces images-là permettent-elles d'identifier ces agents? Non, mais elles fournissent d'assez bonnes photographies. Ouais, mais ils étaient peut-être grimés. C'est vrai. Quoi qu'il en soit, en opérant des recoupements avec les listes de passagers en débarqué à l'aéroport de Dubaï, la police peut établir les alias utilisés par tous ces agents. On trouve ainsi 12 prétendus citoyens britanniques, 6 Irlandais, 4 Français, 4 Australiens et un Allemand. D'accord, mais ça ne donne pas d'indication sur leur identité réelle. Le fait qu'ils aient été photographiés est quand même embarrassant pour le Mossad, parce que ce bel album photo peut être communiqué à des services de renseignement inamicaux. Toutefois, jusque-là, l'enquête de la police ne permet pas d'incriminer directement le Mossad. C'est pourquoi le lieutenant général Tamim ne reste pas là. En faisant éplucher la liste de toutes les communications téléphoniques échangées ce 19 janvier, il met en évidence l'existence de ce numéro autrichien qui a permis aux agents de communiquer entre eux. Mais Tamim va aller encore plus loin. Et cette dernière recherche le conduit à cibler plus précisément Israël. Je vous écoute. Je crois vous avoir dit que les membres du commando, en arrivant à Dubaï, avaient utilisé des cartes de crédit pour payer leur chambre d'hôtel. La police a donc fouillé les ordinateurs de ces établissements hôteliers. Et les enquêteurs se sont aperçus que les assassins avaient pour la plupart utilisé des cartes prépayées émises par le même organisme bancaire, Pioneer, une société américaine. Ouais. Et qu'y a-t-il là d'étonnant? D'abord, il est rare que ces cartes soient employées ailleurs que sur le territoire états-unien. Ensuite, les policiers de Bayot ont découvert que Pioneer avait été créé par un citoyen israélien, Yuval Tal, un vétéran des forces de défense israéliennes. Et de là à penser que cette société américaine était très proche des services secrets israéliens, avec un pas. C'est ce que se sont dit les policiers de Dubaï. Oui. Même s'ils n'apportaient pas une preuve absolue de l'implication des Israéliens dans l'assassinat d'Al-Mabou. Ça a suffi pour que le lieutenant général Tamim accuse le Mossad d'avoir perpétré ce mauvais coup et demande à Benjamin Netanyahou de venir rendre des comptes à Dubaï même. Oui, mais une exigence impensable. Bien sûr. Ouais. Quant au Mossad, il a une tradition, lorsqu'il se trouve accusé, il ne fait aucun commentaire. C'est-à-dire qu'il ne dément pas. Mais qu'il ne reconnaît pas non plus sa responsabilité. Et finalement, les réactions les plus indignées sont venues des pays auxquels appartenaient les citoyens dont on avait emprunté les passeports. La Grande-Bretagne en particulier a vivement protesté et même expulsé un diplomate israélien, sans doute le représentant du Mossad à Londres. Et la France, alors? Aucune réaction, ni même une courtoise protestation. Ah, il ne fallait pas se brouiller avec Israël. C'est ce qu'on peut penser. Ouais. Alors, cette idée folle qui vous est soudain venue, rappelez-vous, ce n'est pas si vieux. Après les accusations de Dubaï, on a donc parlé d'une nouvelle bavure du Mossad. Mais il est vrai qu'il y avait une telle accumulation d'erreurs. On a même parlé d'un travail d'amateur. Des bévues, oui, à commencer par celle-ci. Le Mossad ne pouvait ignorer que l'émirat était équipé de multiples caméras de surveillance. Par contre, il n'a peut-être pas pris la mesure de l'efficacité de la police de l'émirat. Oui, ça, c'est possible. Mais je crois surtout que, sur ordre, les agents israéliens n'ont pas vraiment cherché à se dissimuler. Mais pourquoi alors? Parce qu'en perpétrant cet attentat, ils voulaient envoyer un message à leurs adversaires palestiniens, mais surtout iraniens. Une menace? Oui. Voyez-vous, nous pouvons frapper où nous voulons et même dans un environnement hostile comme un émirat arabe. J'avoue que je n'ai trouvé nulle part une thèse proche de celle de M. X. Mais il y a longtemps que mon interlocuteur fait preuve d'originalité, avec un succès certain. En tout cas, cette affaire étonnante a inspiré un réalisateur de long métrage, une coproduction franco-israélienne, dont on dit déjà qu'elle dédouanera le Mossad. À samedi prochain sur franceinter.fr, vous pourrez écouter cette émission qui a été préparée par Rebecca de Nantes et réalisée par Michel Biou et Stéphane Combe et mise en musique, comme d'habitude, par Monsieur Djoum. Tout de suite, après le flash, un peu de verdure, c'est au de mon amour de Denis Chessou.